إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، يوم عاشوراء يوم النصر العظيم، ويوم الصراع بين الحق والباطل، وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولقد قص الله لنا فصولا كثيرة من هذا الصراع بين المؤمنين والكافرين، ومن هذه القصص العظيمة قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، مع فرعون مصر في عهده، وهي أكثر القصص القرآنية تكرارا. وتبدأ قصة موسى مع فرعون منذ أن كان موسى حملا في بطن أمه، فقد قيل لفرعون إن مولود من بني إسرائيل سيولد وسيكون على يديه هلاكك وزوال ملكك، فأصدر فرعون أوامره بقتل أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم حذرا من وجود هذا الغلام. وكان هارون عليه السلام قد ولد قبل هذه المحنة، فأنجاه الله من كيد فرعون. وأما موسى عليه السلام فإنه لما حملت به أمه حرصت على إخفاء حملها خوفا عليه من القتل، ولما وضعته ذكرا ضاقت به ذرعا، لكن الله جل وعلا ألهمها بما يثبت به فؤادها، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فاستجابت أم موسى لهذا الإلهام وصنعت لابنها صندوقا وألقته في نهر النيل، فأصبح صدرها خاليا من الطمأنينة والراحة، ويمضي الموج بالوليد الضعيف داخل الصندوق حتى بلغ قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون. ولما فتحوا التابوت وجدوا فيه ذلك الغلام الضعيف، وألقى الله جل وعلا في قلب آسية زوجة فرعون رحمة ورأفة وحنانا على هذا الطفل الرضيع. قال تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقوله تعالى: وهم لا يشعرون، أي كدناهم هذا الكيد وجعلناهم يتلقطون موسى، وجعلناهم يلتقطون موسى ليكون لهم عدوا وحزنا وهم لا يشعرون. Chers musulmans et musulmanes, le jour de Ashura est un jour important c'est le jour de la grande victoire. C'est le jour qui marque le combat entre le vrai et le faux, le combat qu'il y a entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés du diable. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, nous a cité de nombreuses histoires qui nous montrent les conflits qui ont eu lieu entre les musulmans et les non-musulmans, entre les croyants et les non-croyants. Et parmi ces histoires importantes et immenses, l'histoire de Moussa alayhi salam avec le pharaon d'Égypte de son époque, et l'histoire de Moussa alayhi salam est sans aucun doute l'histoire la plus relatée, celle qui est la plus répétée dans le livre d'Allah Azza wa Jal. L'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon commence alors que Moussa alayhi salam était dans le ventre de sa mère, car une information est parvenue à Pharaon lui disant que viendra parmi les fils d'Israël. Les fils d'Israël mettront au monde un enfant, et cet enfant sera la cause de ta destruction et de l'élimination de ton royaume. Pharaon a alors établi et a alors décrété le fait de tuer tous les garçons que mettraient au monde les fils d'Israël, en laissant vivant leurs femmes et en laissant vivant les filles, en ne tuant que les garçons. Ceci afin d'être sûr que ce garçon qui allait être mis au monde par les fils d'Israël, ce garçon qui le mettrait en péril son royaume, serait tué de façon certaine. Haroun alayhi salam, le frère de Moussa, est né avant que Pharaon ne décrète ce décret abominable. Quant à Moussa alayhi salam, sa mère, lorsqu'elle tomba enceinte de lui, a fait en sorte de cacher sa grossesse, car Pharaon a envoyé des milices afin de repérer parmi les femmes des fils d'Israël celles qui étaient enceintes, et elle connaissait pour chaque femme son terme déterminé, et lorsqu'elle mettait au monde un enfant, il le tuait sur le champ. La mère de Moussa alayhi salam a donc caché au mieux sa grossesse, et lorsqu'elle a accouché, et lorsqu'elle a constaté que son enfant était un garçon, elle a été prise de peur. Allah subhanahu wa ta'ala l'a réconfortée et lui a inculqué subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans son noble livre, et nous révélâmes à la mère de Moïse, allaite-le, puis quand tu craindras pour lui, jette-le alors dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. La mère de Moussa mit donc en pratique cette illumination divine, et elle mit alors son enfant dans une boîte qu'elle jeta alors dans le Nil. Son cœur n'était pas apaisé. Elle était dérangée par ce qu'elle venait de faire et le fait de ne pas connaître la finalité de cet acte. Et les flots emportèrent cet enfant, ce nouveau-né qui a besoin d'être allaité, jusqu'à arriver au palais de Pharaon. La famille de Pharaon ont alors récupéré cette boîte et ont constaté qu'à l'intérieur de celle-ci, il y avait cet enfant faible. Allah Azza wa Jal fit en sorte que la femme de Pharaon, Asiya, soit prise d'affection, d'amour, de tendresse vis-à-vis de ce nouveau-né. Elle dit, comme le dit Allah Azza wa Jal, et elle dit, « Cet enfant réjouira mon œil et le tien. Ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile. Où le prendrons-nous pour enfant ?» Puis Allah Azza wa Jal dit, « Et il ne pressentait rien. Il ne se doutait pas de ce qu'il venait de faire. Il ne se doutait pas que c'est cet enfant qui allait causer la perte et la destruction de Pharaon. وقد أنالها الله عز وجل ما رجت منه من النفع والخير فهداها الله بسببه وجعلها من سيدات أهل الجنة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الطفل يفاجئهم بأنه لا يقبل ثدي امرأة ليرضع فحاروا في أمره واجتهدوا في تغذيته بكل ممكن وهو لا يزيدهم إلا رفضا وبينما هم كذلك إذا بأخت موسى تقبل عليهم وكانت أمها قد أمرتها بأن تتابع أخاها وهو في الصندوق وأن تقفو أثره لتعلم مستقره وتستطلع خبره وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ففرحوا بذلك فرحا شديدا وذهبوا معها إلى منزلهم فلما رأته أمه أخذته وضمته إلى صدرها وألقمته تذيها فأخذ يرضع قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Et effectivement, la femme de Pharaon Assia a effectivement profité de cet enfant. Et Allah Azza wa Jal l'a guidé sur le droit chemin par sa cause. Et Allah Azza wa Jal a fait de Assia l'une des maîtresses des femmes du paradis, comme nous l'informe le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Mais cet enfant les a mis devant un dilemme, à savoir qu'il n'acceptait le sein d'aucune nourrice qui lui était présentée. Ils ont essayé et ils ont mis en œuvre tout ce qui était dans leur possibilité, mais ils étaient confrontés à chaque tentative au refus de ce nouveau-né d'accepter le sein de quelconque nourrice. C'est alors que la sœur de Moussa alayhi salam, que sa mère avait envoyée afin de suivre cette boîte qui traversait le Nil et était emportée par le Nil, sa mère avait ordonné à la sœur de Moussa de suivre cette boîte afin de savoir où il atterrirait et afin d'avoir des informations le concernant. Allah Azza wa Jal dit, et elle dit à sa sœur, suis-le. Et elle l'aperçut de loin, sans qu'il ne s'en aperçoive. Nous lui avons alors interdit les seins des nourrices. Puis sa sœur a dit à la famille de Pharaon, voulez-vous que je vous dirige vers une famille qui le prendront à charge et qui s'en occuperont comme il se doit? Ils ont alors accepté et ont amené cet enfant, ce nouveau-né, dans la maison de sa mère. Et lorsque sa mère le vit, elle le prit, le serra contre elle et lui donna de son sein qu'il prena sans le rejeter. Allah Azza wa Jal dit, ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige pas, et afin qu'elle sache que la promesse d'Allah est vraie. وما زالت الأيام تمضي والأعوام تترى وكبر موسى وبلغ شده وآتاه الله حكما وعلما وبعد حين وقع في محنة عظيمة حيث قتل رجلا من قوم فرعون ما كان يريد قتله وتخوف من الطلب ففر هاربا إلى أرض مدين ولبث فيهم 10 سنين تزوج في أبناء في أثنائها ثم عاد إلى أرض مصر ثم عاد إلى أرض مصر مع أهله وفي الطريق إليها أكرمه الله برسالته وأوحى إليه بوحيه وأرسله إلى فرعون بالآيات القاطعات، ولكن فرعون عاند وكابر فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وادعى أن ما جاء به موسى سحر وأن ما عنده من السحر ما يطلبه، وجمع السحرة من جميع أنحاء مملكته فألقوا ما عندهم من السحر، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال عز من قائل فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. وقال عز وجل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولما انقطعت حجة فرعون وخاب كيده وانكشف باطله لجأ إلى القوة والتعذيب وإرهاب الناس بالنار والحديد، ثم أرسل الله عز وجل على فرعون وقومه آيات عجيبة وعقوبات متنوعة من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما تمادى فرعون في طغيانه وإيذائه لموسى ومن معه أوحى الله إلى موسى أن يخرج بالمسلمين من أرض مصر ليلا، فخرجوا قاصدين بلاد الشام. فلما علم فرعون بخروجهم جمع جيشه من شتى أنحاء مملكته ليلحقهم ويمحقهم في زعمه، فخرج فرعون وجنوده في أثرهم حتى أدركهم عند البحر الأحمر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فالبحر أمامهم والعدو خلفهم. فأجابهم موسى بلسان المؤمن الواثق بأن الله معه وأن الله لن يضيعه، وقال لهم بكل ثقة وثبات كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضربه وهو يتلاطم بأمواجه فانفلق البحر بإذن الله 12 طريقا يابسا، وصار هذا الماء كأطواد الجبال الراسيات فانحذروا فيه مسرعين، ودخل فرعون وجنوده في أثرهم. فلما جاوزه موسى وقومه وتكامل فرعون وقومه داخلين أطبقه الله عليهم وأغرقهم أجمعين. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وهذا هو مصير أعداء الله، وهذا مصير أعداء الله في كل حين، وتلك هي عاقبة المكذبين الضالين، وما ربك بظلام للعبيد. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que les années se sont succédées et Moussa alayhi salam grandit au fur et à mesure jusqu'à avoir atteint l'âge de 40 ans. Il a grandi dans la maison de Pharaon. C'était le fils adoptif de Pharaon. Allah Azza wa Jal, au fur et à mesure de ses années, lui a donné sagesse et science. Puis, une épreuve a touché Moussa alayhi salam. Lorsqu'il a tué un homme parmi le peuple de Pharaon, il l'a tué de façon involontaire. Il avait peur qu'on le prenne et s'est alors sauvé vers la terre de Madian. Il y est resté 10 années. Il s'est marié pendant ce temps, puis est revenu en Égypte en compagnie de sa famille. Et dans son chemin et dans le trajet du retour, Allah Azza wa Jal a comblé de bienfaits Moussa alayhi salam en faisant de lui un prophète et un envoyé. Allah Azza wa Jal lui a parlé sans intermédiaire et lui a donné la révélation. Il a envoyé Moussa à Pharaon avec des signes et des miracles manifestes. Mais Pharaon n'a fait que s'entêter et s'enorgueillir. Il dit, subhanahu wa ta'ala, en parlant de Pharaon, il traita de mensonge et désobéit. Il tourna le dos et s'en alla. Il rassembla les gens et fit une proclamation et leur a dit, « Je suis votre Seigneur le Très-Haut. » Et Pharaon a prétendu que ce avec quoi est venu Moussa comme signe n'est que sorcellerie et qu'il a lui aussi en sa possession une sorcellerie qui viendrait anéantir celle de Moussa soi-disant. Il a alors réuni l'ensemble de ses sorciers. Ils ont lancé ce qu'ils avaient en leur possession. Puis Allah Azza wa Jal dit, « Falamma alqaw » lorsqu'ils ont lancé ce qu'ils avaient en leur possession, Moussa a dit, « Ce avec quoi vous êtes venus est de la sorcellerie qu'Allah Azza wa Jal va anéantir, et Allah ne fait pas prospérer les œuvres de ceux qui sèment le désordre. » Puis Moussa alayhi salam a lancé son bâton, et c'est alors que des serpents sont venus engloutir tout ce que les sorciers de Pharaon avaient fabriqué. Ainsi, la vérité est apparue et s'est abolie ce qu'ils ont œuvré comme sorcellerie. Ils ont été vaincus et se sont retrouvés humiliés. Ainsi, les sorciers de Pharaon se sont prosternés et ont dit, « Nous croyons au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moussa et de Haroun. » Lorsque Pharaon n'avait plus d'arguments à sa possession, lorsque la fausseté de ses paroles est apparue, il a alors choisi la force, il a alors choisi le fait de châtier et de terroriser les gens par le feu et le fer. Puis Allah Azza wa Jal a envoyé sur Pharaon et son peuple des signes et des châtiments afin de le faire résonner. Allah Azza wa Jal lui a envoyé des inondations, des sauterelles, des poux, des grenouilles et du sang, des inondations qui leur ont causé des pertes, des sauterelles qui venaient manger leur culture, des poux qui venaient les infester, des grenouilles qui étaient dans tous leurs points d'eau et du sang. Et le sang, selon l'avis de la majeure partie des exégètes du Coran, et qu'Allah Azza wa Jal a changé tout leur eau en sang. Ainsi, l'eau qu'ils buvaient était du sang, et l'eau qu'ils utilisaient pour faire leur nourriture était du sang. Ils buvaient donc que du sang et ne mangeaient que du sang. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Pharaon a persisté dans sa mécréance et a persisté dans son offense et dans son châtiment des fils d'Israël, Allah Azza wa Jal révéla à Moussa alayhi salam de sortir, accompagné de ceux qui ont cru en lui, de sortir de la terre d'Égypte de nuit. Ils sont alors sortis de nuit en se dirigeant vers la terre du Shem. Lorsque Pharaon prit connaissance de cette fuite, il a alors réuni tous ses soldats et toutes ses armées pour aller à la poursuite de Moussa alayhi salam et des croyants qui étaient en sa compagnie. Jusqu'à arriver au bord de la mer Rouge, comme le dit Allah Azza wa Jal, les deux parties se sont alors vues et les partisans de Moussa ont dit, nous allons être rattrapés. La mer Rouge était en face d'eux et leur ennemi était derrière eux. Moussa alayhi salam, l'envoyé d'Allah, celui qui place sa confiance en Allah azza wa jal, celui qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le délaisse pas ses serviteurs pieux et vertueux, il leur a répondu de façon certaine, de façon ferme, au contraire, mon Seigneur va me guider. Et lorsque Moussa alayhi salam a dit cette parole, et lorsqu'il a donné cette réponse à son peuple, parmi les fils d'Israël, il ne connaissait pas, alayhi salam, l'issue de la situation. Mais il a placé sa confiance en Allah, et était persuadé qu'Allah ne le délaisserait pas. Allah Azza wa Jal lui a alors révélé de frapper de son bâton la mer. Cette mer qui était secouée par les vagues. Moussa alayhi salam frappa cette mer de son bâton et c'est alors que 12 chemins asséchés se sont formés et la mer était de part et d'autre de ces chemins comme des montagnes rigides. Et les 12 chemins correspondent aux 12 tribus des fils d'Israël. Ils ont alors emprunté ces chemins en étant contents et réjouis de cette issue qu'Allah Azza wa Jal leur a accordée. Moussa alayhi salam a traversé ainsi que les fils d'Israël qui l'accompagnaient cette mer jusqu'à arriver de l'autre côté. Pharaon a également emprunté ces chemins, lui et son armée. Lorsque Moussa alayhi salam et son peuple ont traversé, c'est alors que Pharaon et son armée étaient à l'intérieur et étaient au milieu de ces flots. Allah Azza wa Jal a fait déferler et submerger Pharaon ainsi que son armée sous cette immense mer. Il dit subhanahu wa ta'ala, et nous avons révélé à Moussa par la nuit à la tête de mes serviteurs, puis trace-leur un passage à sec dans la mer, sans crainte d'une poursuite et sans éprouver aucune peur. Pharaon et son armée les ont suivis et la mer les submergea bel et bien. Pharaon égara alors son peuple. Ainsi, chers musulmans et musulmanes, est la finalité des ennemis d'Allah, et ceci en tout lieu et en toute époque. Ceci est la finalité de ceux qui traitent de mensonges les signes d'Allah et de ceux qui égarent les gens de la voie d'Allah. Et Allah Azza wa Jal n'est en aucun cas injuste envers ses serviteurs, mais ce sont bel et bien les serviteurs qui sont injustes envers eux-mêmes. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اعلموا أيها المسلمون أن ذلك كله كان في اليوم العاشر من هذا الشهر الكريم شهر الله المحرم فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وقد كان صيام يوم عاشوراء واجبا قبل أن يفرض صيام رمضان فلما فرض صيام رمضان أصبح صيام عاشوراء سنة مؤكدة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة كاملة قال عليه الصلاة والسلام صيام عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه. قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود. فقال: فإذا كان العام القابل إن شاء الله صمت التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمراتب صوم عاشوراء ثلاث، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. وشهر المحرم له خصوصية ومزية على ما سواه، فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que c'est fait lorsque Moussa alayhi salam a été sauvé de Pharaon, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a sauvé son serviteur, son envoyé, son prophète de ce tyran. Cela a eu lieu le dixième jour de ce mois béni, de ce mois sacré dans lequel nous sommes entrés hier, qui est le mois de Muharram. Al-Bukhari Muslim rapporte, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a constaté que les juifs jeûnaient le dixième jour de Muharram. Il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam: quel est ce jour que vous jeûnez? Ils ont répondu: c'est un jour immense, le jour où Allah a sauvé Moussa et son peuple, et le jour où Allah a fait couler Pharaon et son peuple. Moussa l'a alors jeûné en guise de reconnaissance envers son Seigneur, et nous, nous le jeûnons également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: nous avons plus de droits sur Moussa que vous. Nous avons plus de droits sur Moussa que vous. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ce jour et a ordonné que ce jour soit jeûné. Ainsi, avant que le mois du Ramadan ne soit légiféré, le jour du le fait de jeûner le dixième jour de Muharram, le jour de Ashura, était une obligation en islam. Puis, lorsqu'Allah Azza wa Jal a prescrit le jeûne du Ramadan, le jeûne de Ashura est devenu une sunna fortement recommandée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le jeûne de ce jour expie les péchés d'une année. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: le jeûne de Ashura, j'espère auprès d'Allah qu'il expie les péchés de l'année qui le précède. Et l'imam Muslim rapporte selon Abdullah ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a jeûné Ashura et lorsqu'il a ordonné à ses compagnons de le jeûner, ils ont dit: oh, envoyé d'Allah, mais c'est un jour qui a une importance chez les juifs. Il a répondu alayhi salatu wa sallam: lorsque viendra l'année suivante, si Allah le veut, je jeûnerai le neuvième jour. Et l'année suivante est venue, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé pendant celle-ci. Et dans le sahih de l'imam Muslim également, il dit sallallahu alayhi wa sallam: contredisez les juifs, jeûnez un jour avant ou un jour après. C'est-à-dire un jour avant le jour de Ashura ou un jour après le jour de Ashura. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous explique qu'il y a trois niveaux, il y a trois degrés dans le fait concernant le jeûne de Ashura. Le degré le plus complet est le fait de jeûner un jour avant le jour de Ashura. et un jour après. Ce qu'il y a de mieux à faire est de jeûner le 9e jour et le 11e jour. Le 9e jour qui précède le jour de Ashura et le 11e jour qui succède au jour de Ashura. Puis vient dans le mérite le fait de jeûner un jour avant ou un jour après, c'est-à-dire de jeûner le 9e et le 10e jour ou de jeûner le 10e jour et le 11e jour. Et vient le 3e degré qui est le fait de jeûner le jour de Ashura uniquement, à savoir le 10e jour. Comme je vous l'ai dit, le mois de Muharram, qui est un mois sacré, est entré hier. Ainsi, le 10e jour, le jour de Ashura, aura lieu samedi prochain, Inch'Allah ta'ala. Non pas demain, mais le samedi de la semaine prochaine. Ainsi, le 9e jour sera le vendredi, et le 11e jour sera le dimanche. Si tu veux faire ce qu'il y a de mieux à faire, jeûne vendredi, samedi et dimanche prochain. Si tu veux te contenter du degré intermédiaire, jeûne alors le vendredi et le samedi, ou le samedi et le dimanche. Et si tu veux jeûner le samedi uniquement, la majeure partie des savants l'autorise, même si certains autres considèrent cela comme étant détestable, à savoir de jeûner le jour du samedi seul. Quant au mois de Muharram, ce mois sacré, il a en plus de son caractère sacré une autre chose qui le distingue, comme le rapporte Abu Huraira radiallahu anhu, en lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur des jeûnes, après le jeûne du Ramadan, et le jeûne du mois d'Allah, al-Muharram, et la meilleure des prières après la prière obligatoire et la prière de nuit. Ainsi, jeûnez autant que vous pouvez des jours de ce mois de Muharram, car c'est un mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait énormément. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا اللهم اغفر لنا ذنبنا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز يا غفور يا رحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.